Dossier 2, page 30. Activité 1. Oui, oui, oui, aïe, aïe. Mais qu'est-ce que t'as? Ah, j'ai mal. Ah, t'as mal où? Est-ce que ça me fait mal? Tu peux pas savoir. Oui, mais qu'est-ce qui te fait mal? J'ai une de ces douleurs. Ah, d'accord, mais où? C'est le bas de ton dos qui est douloureux? J'ai un de ces mal. Là, oui. Ah, ça me fait un mal de chien. Bon, je vais te frictionner. Te faire un petit massage. Voilà. C'est une pommade miracle. Voilà. Eh, ça va mieux maintenant? Ouais, je me sens un peu mieux. Et continue? Là? C'est là que c'est sensible? C'est le muscle hein, qui est contracté. Oui. Ah, là, c'est bon, là, oui. Ouf, ouh, ça soulage. Bon, bah, c'était pas grand-chose, finalement. Ouf, j'ai cru que j'étais coincé. Je l'ai échappé belle. J'avais la hanche tout endolorie. Eh, ça y est, c'est presque parti.